17h dans notre appartement témoin rue de la Chapelle à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis? Oui, au Westland Shopping. Oui! Et pourquoi? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, mais j'ai Facebook et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirais « Je t'adore ». T'es canon ou quelle biche? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrais un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Vous écoutez Vivacité, il est 16h. Les infos, bonjour Delphine Vreux. Bonjour, la traque en Allemagne, la police recherche un Syrien soupçonné de préparer un attentat à la bombe. Ce matin, une vaste opération policière a été menée chez le suspect, mais il avait déjà pris la fuite. Les policiers ont découvert dans son appartement des traces d'explosifs. Il vise peut-être un aéroport, mais cela n'est pas confirmé. Un avis de recherche est diffusé dans le pays. L'ouragan Matthew poursuit sa remontée vers le nord en flirtant avec la côte est américaine. Il est rétrogradé en catégorie 1 avec des vents soufflant à 120 km/h. L'ouragan longeait ce matin les côtes de Caroline du Sud. Matthew devrait continuer vers le nord en longeant les côtes, mais les Américains disent désormais craindre davantage la montée des eaux jusqu'à 3 mètres attendue par endroit. Le bilan avoisine par contre les 900 victimes sur l'île d'Haïti. Le Comité international olympique demande à l'Agence mondiale antidopage de créer une entité chargée des contrôles, une structure indépendante. Un sommet consacré à la lutte contre le dopage se termine à Lausanne en Suisse. Autre proposition du CIO, réserver le droit de sanction au TAS, le tribunal arbitral du sport, et à lui uniquement, alors qu'aujourd'hui les fédérations nationales et internationales sanctionnent le TAS se chargeant des appels. Raja Nainggolan s'explique, blessé il n'a pas joué avec les Diables Rouges, mais pour son club, l'AS Rome, il a bien couru derrière le ballon. Le milieu de terrain belge met les choses au point, il précise qu'il s'agissait d'un match d'entraînement face à une sélection de jeunes. Cela faisait partie de ma rééducation, insiste le Belge. Il ajoute qu'une rencontre amicale n'est pas aussi exigeante qu'une rencontre officielle. Pierre Collard-Bovy, comment ça se passe cet après-midi sur les routes? Mais ça se passe relativement calmement, après un petit, un accident qui a ralenti sur le ring de Bruxelles. Maintenant, c'est pratiquement terminé. Il reste encore 8 minutes de temps de parcours supplémentaire pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre, mais bientôt il n'y paraîtra plus. Et des ralentissements, en revanche, sur le 19 Valenciennes-Bruxelles, à hauteur de la sortie Mons dans les deux directions. Les bottelles sont saturées, nous dit-on, et il y aurait des remontées de fil sur l'autoroute. Donc, soyez extrêmement attentifs en abordant le 19 Valenciennes-Bruxelles à hauteur de la sortie Mons. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bel après-midi et je vous laisse avec Adrien Jovenot, c'est Grandeur Nature. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Program nu a prezentat min Adrian Jovenu. Grandeur nature bonjour, sur Vivacité. Bonjour à tous, j'ai même envie de vous dire buongiorno. J'ai demandé si c'est bien ainsi que l'on dit à cette heure-ci d'après-midi à Stéphania Betty. Stéphania, bienvenue sur Vivacité. Merci, bonjour à tout le monde. Comment salue-t-on la communauté italienne à cette heure-ci? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. On est ensemble jusqu'à 18h. C'est une émission spéciale consacrée à l'Italie. Vous travaillez à la Chambre de commerce belgo-italienne et vous résidez chez nous en Belgique? Oui, c'est ça. Je travaille à la Chambre depuis 5 ans déjà et je m'occupe de tout la côté commerce, tourisme, communication. Et oui, j'habite en Belgique, à Bruxelles en fait. Et depuis que vous parlez sur Vivacité, le soleil déchire les nuages. Ça va faire du bien en ce week-end de début octobre. Nous allons voyager en Italie aussi avec les sujets ramenés par notre Tintine reporter Loïc Péchard. Bonjour Loïc. Bonjour Adrien. Va bene? Ouais. Alors Loïc, vous êtes allé dans les Pouilles. Exactement, j'étais dans les Pouilles et aujourd'hui ce sera un reportage sur plutôt la partie du nord et plutôt la partie naturelle qui s'appelle Gargano et aussi la partie un peu du sud mais plutôt pour la danse folklorique. Donc ça, c'est un programme bien chargé aujourd'hui. Alors les Pouilles, c'est Bari, c'est Brindisi, c'est en fait le talon, oui. Je demande confirmation à Stéphania, le talon de la botte italienne. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment les talons d'Italie. En fait, c'est très connu et tous les mois en Italie passent des vacances dans les Pouilles, in Puglia, comme nous disons. Et c'est vraiment un lieu touristique très connu et très aimé. Et pendant toute cet après-midi, jusqu'à 18h, des chansons italiennes, le meilleur de la variété italienne. Et on commence évidemment avec Toto Cutugno. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero. L'italiano de Toto Cutugno dans cette émission Grandeur Nature spéciale Italie avec entre autres Lorenzo qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est animateur à Radio Italia, et Stefania Betti. Stefania, Toto Cutugno, ben, c'est un peu l'emblème national. Oui, mais peut-être pas vraiment de ma génération, plutôt de mes parents. D'accord, oui. D'accord, c'est plutôt la mienne. On aura aussi, je vous le dis tout de suite, Pino D'Angio dans cette émission, Eros Ramazzotti, nous aurons Paolo Conte, nous aurons Adriano Celentano, nous aurons Umberto Tozzi, Zucchero, Gianna Nannini, Ricky e Poveri, ah, tous les tubes italiens, Albano et Romina Power. Je vous promets aussi du Neck, du Mattia Bazar et du Laura Pausini. Vous m'amenez en Italie, quoi. Oui, c'est le voyage en Italie jusqu'à 18h. Faites-nous voyager dans ce pays magnifique que la Belgique adore. Il y a beaucoup de ponts entre la Belgique et l'Italie. On en a énormément parlé en cette année 2016. Vous venez, Stefania, de quelle région d'Italie? En fait, je viens de la capitale, je viens d'une ville qui est à côté de Rome, que peut-être vous connaissez pour des faits d'actualité, parce que je viens de Rieti, qui était vraiment touchée par les séismes de cette année. Et ma famille est là-bas, et donc en fait, je vous remercie, j'aimerais bien de remercier toute la communauté italo-belge qui a fait énormément de récoltes de fonds pour Amatrice, qui a nous aidé beaucoup. Et en fait, ça remarque combien la communauté italienne est vraiment s'installée en Belgique et en créer des liaisons très fortes. Oui, je crois que le pape est allé il y a quelques jours. Oui, c'est vrai. En fait, il a fait une surprise. C'était incognito, pas prévu. Hein, incognito, ouais. C'est ça. Mm-hmm. On va en parler aussi avec Radio Italia et notre ami Lorenzo qui a lancé une grande campagne de récolte de fonds pour Amatrice. Et c'est vrai que les Belges ont été généreux. Je vous avais promis un reportage de Loïc Péchard sur les Pouilles. Eh bien, ce sera dans quelques instants sur Vivacité. Ne quittez pas. Nouveau, Comea Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Comea Casa. Apportez un peu de chaleur. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaisa, partenaire naturel de Cap 48. Salut, c'est Romelu Lukaku sur Vivacité, la radio diablement complice. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Hey, sur la tige. Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Oktoberfest, j'ai les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèles. Un 99 fantastique Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et sans trébucher. Ya, yeah, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Oktoberfest. C'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore near les new cars de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Near les new cars. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Forêt, portes ouvertes dans notre appartement témoin, ce dimanche de 10 à 14 heures, avenue du Globe 7 à Forêt. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Trouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Electro Dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Des pots. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple, tous nos produits sont stockés en magasin, donc moins de frais et une disponibilité immédiate. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro et Dimerx. Electro Dépôt. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai? Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata. Ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Balla! Excellent après-midi sur Vivacité. Je vais profiter que Lorenzo de Radio Italia nous rejoigne en studio. Bonjour Lorenzo. Ciao Adrien, ciao. Ciao, ciao, pour nous demander de bien désannoncer avec votre bel accent italien cette superbe chanson de Pino Daggio. Alors, sur Vivacité, era Pino Daggio, ma quale idea? Ah, c'est sûr. Alors, on va voyager cet après-midi dans les Pouilles. Vous connaissez bien les Pouilles? Oui, oui, parce que j'ai passé en bon italien, j'ai passé mes vacances là-bas. Et oui, parce que j'ai collaboré deux fois avec, des communes des Pouilles pour la Belgique. On a invité Albero Bello et on a invité la commune de Monopoli en province de Liège. On va écouter le reportage réalisé sur place par Loïc Péchard. Parti, j'ai l'impression, de Bruxelles South. Je reconnais l'annonce de l'hôtesse qui nous prie d'embarquer. Allez, on vous suit à bord de cet oiseau de fer, direction le sud de l'Italie. Francese, étudier à l'école. Ah, ok. Oui. Oh. Ah, ok. Je pense que notre région est très riche de tourisme de différentes variétés, comme le tourisme de la mer, le tourisme de la pêche, le tourisme religieux. Et donc, je pense que pour tous les touristes, il est très important de venir visiter les Pouilles. Vous pouvez vous amuser avec de différentes activités. Et aussi, très important, c'est notre cuisine. Donc, vous pouvez apprécier nos recettes, nos restaurants et aussi ensuite les proposer dans vos maisons quand vous retournez chez vous. Et c'est un rêve pour tous les touristes qui viennent aussi la visiter. Il y a des églises, il y a les foires du pays et aussi la mer. Il y a beaucoup à visiter. Je ne peux pas dire une localité spécifique maintenant. Je pense que Bari, il y a beaucoup de soleil. Le potentiel c'est grand. Les poissons bons. Superbe reportage réalisé par Loïc Péchard. Loïc, non seulement vous avez fait de la radio, mais il y a aussi des images en ligne sur Vivacité. Tout à fait, un petit montage sur le Facebook de Grandeur Nature, sur mon voyage là-bas. Et oui, ça résume vraiment bien le reportage d'aujourd'hui. C'est un petit plus, en fait. C'est 60 secondes d'antidépresseurs. Exactement. Allez voir sur vivacité.be le clip de ce voyage dans les Pouilles. On va marquer une petite pause sur Vivacité. Et se retrouver après avec Paolo Conte. À tout de suite. Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore? Ma i tuoi piedi. Probabilmente a me tuo schiavo d'amore, ti divertirai, che traguardi vuoi farmi trovare? In fiamme ti può andare, ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Ma i tuoi piedi tap tap tarata, ma i tuoi piedi tap tap tarata. Happy feet tarata, happy feet tarata, happy feet. Oh, I love it. Happy feet. Happy feet, oh, I love it. My boy. Feet, c'était Paolo Conte sur Vivacité. Je me suis laissé dire, Lorenzo, qu'il était avocat, ce chanteur de formation. Eh bien, c'est juste. Il est avocat maintenant. Bon, il fait moins de causes. Il fait moins de causes, il fait plus des chansons. Il faut savoir que Paolo Conte, au départ, il écrivait pour d'autres chanteurs. C'est d'ailleurs lui qui fait Azzurro, par exemple, pour Adriano Celentano. Oh là, pas mal. Hein. C'est lui qui a écrit cette chanson-là. Et puis, bon, il a décidé de le faire lui-même. Ça reste le sommet au niveau jazz. On est content de vous recevoir cet après-midi sur Vivacité. En fait, je vous rends la politesse parce qu'un jour, lors d'une belle godicée consacrée à la ville de Liège, vous m'aviez accueilli dans vos studios de Radio Italia. Ah oui, et j'en garde un bon souvenir. Vous étiez venu, je crois que... c'était quelqu'un qui avait fait un spécial Belgodyssée sur l'Italie, et du coup, on s'était retrouvé dans notre studio, et il y avait une bonne ambiance. Et Monsieur Donofrio ? Oui, il était là aussi, Dominique. C'est clair que son sourire nous manque. Hein. Ah, et Dieu et son âme. Vous venez de quelle région, vous, Lorenzo ? Moi, je viens de la région de la Sicile, du chef-lieu, qui est Palerme. Et c'est une île magnifique. Voilà, j'ai quitté ma Sicile il y a très longtemps. Sicile, en fait, c'est un peu comme Frédéric François ou Salvatore Adamo, non ? Oui, il y a vraiment beaucoup de chanteurs italo-belges proviennent de Sicile, que ce soit... le pape, ça reste Adamo. Camiso, il vient de Camiso. Frédéric, l'Ercarafide, il y a... Comme Frank Sinatra, ses parents étaient originaires de ce même village. C'est vrai. Il y a d'ailleurs une plaque à l'Ercara qui dit Frank Sinatra est né ici. Donc c'est après Frank Sinatra, on peut dire qu'il y a Frédéric François, quand même. Est-ce qu'on a une idée ? Je vais vous poser la question à tous les deux, à Stefania Betti, qui travaille pour la Chambre de commerce belgo-italienne, et à vous, Lorenzo, de Radio Italia. On va confronter les chiffres après. De la communauté italienne en Belgique, ça représente combien de personnes ? En fait, la Belgique est le 60e pays pour nombre d'Italiennes inscrits dans le système LAIRE. En fait, on a plus d'Italiennes ici qu'aux États-Unis. Et en fait, le dernier reportage, il dit qu'il y a 260 000 Italiennes inscrits de la communauté en fait, ici en Belgique. Oui. Est-ce que vous confirmez ces chiffres, Lorenzo ? Oui, ce sont des chiffres à peu près... on a une fourchette entre 240 et 260 000, effectivement, je confirme. Mais si on compte les naturalisés, Adrien, on dépasse les 500 000 italo-belges. Hein. Mm-hmm. Est-ce qu'un petit Eros Ramazzotti vous ferait plaisir ? Oui, surtout qu'il viendra bientôt en concert. Oui. D'accord. Eh bien, on l'écoute sur Vivacité. Rentrez aussi chez Suzuki. Mais oui. Venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement, soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. SCID, portes et fenêtres. Pour tout type de châssis basse énergie, PVC, alu et bois alu, faites confiance à SCID, portes et fenêtres. Profitez-en. Pour le moment, nous vous offrons le triple vitrage au prix du double. Showroom à Namur, Wavre, Dinan, Nandrin et Uccle. SCID. Plus d'infos sur scid.be. 3, 4. Pommes de renette et pommes d'api. Tapis, tapis rouge. Pommes de renette et pommes d'api, tapi, tapi, lif. Croquantes, juteuses, colorées, sucrées, acidulées, nature ou préparées, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif. Cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis ? Oui, au Westland Shopping. Oui ! Et pourquoi ? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi ? Non mais, j'ai Facebook, et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cirque, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping ? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. Pur di fare sempre un modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Una storia importante, Eros Ramazzotti sur Vivacité. C'est dingue, cette chanson, elle est de 1985, on se rend pas compte, mais elle a plus de 30 ans. Oui, elle a plus de 30 ans et c'était le premier grand succès de Eros Ramazzotti, Una storia importante. C'est ça qui a lancé avec Terra Promessa sa carrière et maintenant, il est toujours là, c'est fantastique. Il sera le 1er décembre à Forêt Nationale. Oui, il sera là à Forêt Nationale. Il est venu l'année passée au Palais 12 et il avait trouvé la salle pas assez chaude à son goût. Et il avait dit ouvertement au public qui était là. Donc, à mon avis, il voulait retrouver Forêt Nationale. Encore une anecdote sur Ramazzotti. J'ai pu le rencontrer dans un match de football au Isel. J'étais en marquage sur lui dans un match de bénéficence, de bienfaisance. Solidarité. Ouais. Et il joue très bien au football et il m'a laissé sa vareuse. Ah, bah écoutez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Belle anecdote racontée par Lorenzo de Radio Italia. Nous suivons aussi les traces de Loïc Péchard, notre Tintine reporter en Italie. Le prochain sujet, Loïc, concerne la religion. Exactement. On sera au Monte Sant'Angelo. C'est un peu la montagne sacrée là-bas. Et en fait, là, il y a un sanctuaire. Le sanctuaire Saint-Michel. Et en fait, ce sanctuaire est assez est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parce qu'en fait, le Saint-Michel est apparu là-bas. Et c'est un magnifique monument. Et d'ailleurs, dans ce mont Sant'Angelo, il y a beaucoup de produits qui sont vendus en lien avec la religion. Par exemple, il y a aussi des hosties ripiena. C'est des petites hosties en fait fourrées avec de l'amande grillée, du miel. Et c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont vendues en lien avec la religion. Ou alors du pain aussi, des petits. En fait, c'est entre un pain et un biscuit en fait. Il y a beaucoup de choses en lien avec la religion qui sont vendues là-bas. Eh bien, ne bougez pas. Dans quelques instants, on écoute ce reportage dans lequel vous avez croisé aussi un Liégeois. C'est pas Lorenzo, mais un autre. Exactement. Liégeois du côté du Monte Sant'Angelo sur Vivacité. Comment bien manger quand... On a très envie de gibier. Ouh là là, le gibier, c'est très difficile à attraper ça. Oui, mais c'est très facile à cuisiner. Le gibier chez Deleuze est 100% sauvage et européen. Une viande d'une traçabilité irréprochable et toujours 100% fraîche puisque jamais congelée. Bref, de vraies saveurs d'automne en provenance directe du bois. Et les prix d'automne ? Ils tombent comme les feuilles ? Absolument. Jusqu'au 12 octobre, chez Deleuze, le steak de biche est à moins 15%. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vivacité présente la nuit du feu des abonnés au domaine provincial de Chevetogne. 5 feux d'artifice, des spectacles et des ambiances féeriques. Venez en prendre plein les yeux le samedi 15 octobre dès 19h. Accès exclusivement réservé aux abonnés du domaine. Info, domainedechevetogne.be. Avec Stuve et votre journal 7 dimanche. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Chez Thomas & Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedi et dimanche de 14 à 17h, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Pluie. Je résiste. Chaleur. Je résiste. Vent. Je résiste. Neige. Je résiste. Envahisseur. Je résiste. Eh bien, mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo. Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout, rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'abri, Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Tu, stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi sta da vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, fossi mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando. quando non c'è, mi chieda amore tu, hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, dimmi che non sei tu, un miraggio ma sei tu. Tozzi sur Vivacité. On voyage dans le catalogue des plus grands succès italiens. À venir aussi Zucchero, Celentano, Gianna Nanni, Ricky Poveri et tous les autres. Jusqu'à 18h, rien que des chansons italiennes pour nous réchauffer le cœur en ce samedi 8 octobre. Allez, direction le Monte Sant'Angelo où nous avons croisé avec Loïc Péchard un autre Italien. Ici, on est à Monte Sant'Angelo. Et je suis né ici il y a 72 ans presque. J'habite en Belgique depuis 56 ans. Toujours habité à Liège. Ah si, che parle italien. Buona giornata, buona serata. Grazie, ciao, ciao, ciao. Je vends les articles de Saint-Michel et de Padre Pio. Comment dire les spécialités du pays. Alors, les hosties ripiene, après scaldatelli là, et paperate. Et du pain typique, très typique. Ce sont les spécialités du Monte Sant'Angelo. Et dice a Padre Pio, Padre. Ils ont toujours une base de religion. On fait des foires, on fait des fêtes du pays, surtout quand il y a des saintes à fêter ou des célébrations de religion. J'y vais tous les années, puis c'est la fête de le patron Saint-Michel, vous comprenez, c'est la fête. Des activités que vous pouvez faire en Puglia et c'est une activité qui est très importante pour les gens qui vivent en Puglia, c'est la danse. Il y a la danse folkloristique qui s'appelle Taranta ou Pizzica. Il y a aussi un festival très important en Puglia con le festival della Taranta. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec la guitare et tous les instruments. Il y a beaucoup de monde. Et puis il y a la pizzica, qui c'est une autre danse traditionnelle très, très, très typique, qui est très intéressante. Et les gens ici danse vraiment ce type de danse. C'est pas une chose folkloriste pour les touristes. C'est quelque chose qui est très vécu par les gens d'ici. On l'entend dans ce reportage, l'importance de la danse folklorique, elle est omniprésente, Lorenzo, en Italie. Ouais, dans toutes les régions, et surtout dans cette région que vous êtes en train de décrire magnifiquement, la Pouille, la Taranta, la Pizzica. Oui, c'est bien, c'est la Taranta et la Pizzica, ils sont des danses très folkloristiques dans les Pouilles. Et alors, chaque année, pendant l'été, il y a beaucoup d'Italiens qui se rendent là-bas, en fait, pour la nuit de la Taranta, à Melpignano. Et en fait, c'est une fête qui ça dure pendant une semaine. Il y a des danses, il y a des concerts, il y a la musique, donc rendez-vous là-bas l'année prochaine, hein, tout le monde. Ça donne envie. En plus, elle a un charme fou. Hein. Lorenzo, on peut le dire, elle est à la radio, mais c'est un plaisir de l'entendre. Oui. Et son ramage ressemble à son plumage. Elle parle super bien, elle est ravissante. Un rayon de soleil sur Vivacité. Oui. Stefania Betti. Voici maintenant une des plus belles chansons du monde. Zucchero, il volo. Zucchero, quel bijou, quelle incroyable chanson. Piero, quel bijou, quelle incroyable chanson, Il Volo, un titre qui a 20 ans déjà. Zucchero qui sera chez nous samedi prochain, Lorenzo. Tout à fait, il sera là avec tout, il viendra présenter son dernier album et il sera là avec ses succès. C'est un forêt national, Zucchero Fornaciale, il s'appelle Zucchero parce que quand il était à l'école, il avait toujours les joues rouges et la maîtresse lui a donné ce petit surnom, Zucchero. Et à un moment donné, le surnom de Zucchero, Zucker. Ouais. Bon, après, il s'est internationalisé. il s'est internationalisé avec le duo avec Paul Young. C'est à ce moment-là, Zucchero a compris que pour sortir en dehors des frontières italiennes, il s'est associé avec Paul Young, qui avait un grand succès dans les années 80, et ils ont fait Senza una donna. Et c'est là que Zucchero a entamé sa carrière internationale. Ouais. J'ai envie de vous demander à tous les deux, Stefania, Betty et Lorenzo, votre endroit préféré en Italie. On va sortir un petit peu des Pouilles, peut-être, Stefania. Mais en fait, non, on va rester dans les Pouilles. c'est bien. Oui, parce que je me souviens encore quand, il y a 5 ans, j'ai fait mon voyage. Je suis partie en voiture du nord jusqu'au sud de les Pouilles. Donc, j'ai visité toute la région. Et en fait, il y a dans les Salento, que c'est un petit parti, une petite région dans la région, dont en fait, la mer, c'est magnifique. Et on l'appelle les Maldives de la Pouille. Et en fait, je me souviens d'être allée là-bas et puis d'avoir pris la voiture et d'être arrivée jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment les points Santa Maria di Leuca où les deux mers se rencontrent. Donc, on peut vraiment voir comment les deux mers se rencontrent. Les Maldives italiennes se trouvent dans les Pouilles. Voilà un scoop que Stefania Betty lâche cet après-midi dans Grandeur Nature sur Vivacité. Allez voir ces endroits filmés par notre Tintine reporter Loïc Péchard. Ils sont en ligne sur vivacité.be et sur la page Facebook de Grandeur Nature. Et vous, Lorenzo, votre coup de cœur ? Les Pouilles, ça m'a vraiment laissé un souvenir extraordinaire. Et j'ai fait aussi, comme elle, le tour de nord au sud. Je ne vais pas parler de ma Sicile, parce que ça reste quand même mon coup de cœur à moi personnel, puisque je suis né là-bas, mais je resterai sur la Toscane quand même. J'ai visité la Toscane et je dois dire que à des endroits, le paysage est époustouflant. Et dans certains endroits, on dirait que le temps s'est arrêté. Et oui, un coup de cœur à la Toscane. Surtout pour l'instant, ce sont les vendanges, bientôt la récolte des olives. Et j'ai pu interviewer le marquis Mario Incisa della Rocchetta, qui est celui qui a créé le Sassicaia, le vin. Ok, pas mal. On va enchaîner avec Adriano Celentano. Svalutation, en fait, c'est une chanson sur l'inflation. Oui, elle n'a pas pris une ride. Même si c'est plus la lire, mais ça marche aussi avec l'euro. Hein. On l'écoute sur Vivacité avant le journal de 17h. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ça fait drôle, hein ? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon. Ouais. Hein, et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire ? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Vivacité et Ouf TV présentent le 23e Salon Éducation. Plus de 230 exposants et 200 ateliers et conférences pour découvrir les nouveaux outils pédagogiques, les conseils et l'équipement indispensable pour tous les acteurs de l'éducation. Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre à Charleroi Expo. Préparez votre visite sur salonéduc.be. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Votre piscine placée en 4 jours avec 21% de TVA offerte, optez pour Leisure Pool. Avec Leisure Pool, nagez dans la qualité et le style. Chez Servimat, dans le zoning d'Épigny ou sur leisure-pools.be. Servimat, un service qui épate. Vivacité.

Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. 900 morts, des dizaines de milliers de sans-abri. L'ouragan Matthew provoque une nouvelle catastrophe humanitaire en Haïti. Chasse à l'homme en Allemagne, les autorités recherchent un jeune réfugié syrien soupçonné de préparer un attentat. Chez nous, les ministres de la Justice et de la Défense ont déposé un projet de loi qui élargit les méthodes de recherche des services de renseignement. D'abord la pluie, ensuite la sécheresse. La récolte des betteraves s'annonce très mauvaise. Et puis, réservez-leur bon accueil. Les vendeurs de post-it de Cap 48 sont entrés dans la dernière ligne droite. Le journal vous est présenté par Franck Ruel. Bonjour à tous. L'ouragan Matthew poursuit sa remontée de la côte est américaine. Il se trouve en ce moment près de Charleston, en Caroline du Sud. Un ouragan qui perd de sa puissance. Il a été rétrogradé en catégorie 1 avec des vents de 120 km par heure. Les dégâts aux États-Unis semblent pour l'instant relativement limités. Seule la ville côtière de Saint-Augustine, en Floride, a subi pas mal de dégâts. Rien de comparable avec Haïti. Le sud de l'île a été complètement ravagé et le dernier bilan fait état d'environ 900 morts. Il y a aussi des dizaines de milliers de sans-abri. La France et les États-Unis envoient des secours. Les ONG redoutent le retour du choléra. Stéphanie Schuller de Radio France s'est rendue à Port-Salut, une ville de 50 000 habitants. Le visage de Wilson Denard traduit la fatigue et l'angoisse des derniers jours. Le maire de Port-Salut s'inquiète particulièrement pour les populations de certaines sections communales de sa ville, dont il est toujours sans nouvelles depuis mardi. Et pour survivre, même les habitants du petit centre-ville pourraient bientôt partir vers Port-au-Prince. Un nouvel exode rural qui grossirait encore un peu plus les quartiers défavorisés de la capitale, explique Wilson Denard. Si les gens n'ont pas d'eau, pas de nourriture et pas de vêtements et dorment à la Belle Étoile, la mairie seule ne pourra pas leur venir en aide. Et du coup, ne pourra pas empêcher leur départ. C'est pourquoi on demande à la communauté internationale d'agir vite, pour que les gens voient au moins une lueur d'espoir, parce que là, ils n'ont rien. Je veux qu'on les traite dignement. Dans aucun autre pays sérieux, on ne laisserait une population pendant 4 jours dans de telles conditions. Si le maire de Port-Salut appelle la communauté internationale à l'aide, il est tout de même conscient que des efforts doivent aussi être menés au niveau local pour éviter à l'avenir des catastrophes d'une telle ampleur. C'est la raison pour laquelle nous allons exiger de nouvelles normes de construction sur les zones côtières. À l'avenir, chaque personne qui voudra construire devra avoir l'autorisation de la mairie. Donc, au niveau de la mairie, nous allons accorder beaucoup d'importance aux normes de construction. Si toutes les constructions avaient respecté les normes, on n'aurait pas eu autant de dégâts. Le reportage de Stéphanie Schuller en Haïti. C'est une véritable chasse à l'homme qui se déroule en ce moment en Allemagne. Plusieurs centaines de policiers ainsi que des forces spéciales ratissent un quartier résidentiel de Chemnitz dans l'est du pays. Ils sont à la recherche d'un homme, un Syrien de 22 ans, soupçonné de préparer un attentat à la bombe. Cet homme, Jaber Al-Bakr, est arrivé en Allemagne l'an dernier comme réfugié, mais il se trouvait sous la surveillance des services de renseignement depuis quelques temps. Son appartement a été fouillé, le suspect ne s'y trouvait pas, mais des matériaux hautement explosifs ont été découverts. Les habitants du quartier avaient reçu la consigne de rester chez eux, ils vont à présent être évacués. En Syrie, les combats font toujours rage dans la ville d'Alep, mais pas seulement. Les frappes s'intensifient à présent sur les secteurs aux mains de l'opposition autour de Damas. Selon MSF, ces frappes ont touché 4 des principaux hôpitaux soutenus par Médecins Sans Frontières. L'un de ces hôpitaux a été complètement détruit par plus de 20 obus la nuit du 5 octobre. Plusieurs patients et membres du personnel ont été tués. MSF parle d'actes révoltants. Pendant ce temps, 2 textes rivaux seront discutés dans les prochaines heures à l'ONU. L'un déposé par la France appelle à la fin des raids aériens à Alep. L'autre émane de Moscou et réclame une cessation des hostilités. Chez nous, c'était une volonté du gouvernement fédéral, au lendemain des attentats du 22 mars, donner les coudées un peu plus franches aux services de renseignement dans leur mission de collecte d'informations. Les ministres de la Justice, Koen Gaens, et de la Défense, Steven Van de Putte, ont déposé hier un projet de loi qui élargit les méthodes particulières de recherche. Des explications de Pierre Magos. La Sûreté de l'État et les renseignements militaires se plaignaient de procédures trop lourdes, notamment lorsqu'ils devaient travailler dans l'urgence, dans des dossiers de terrorisme. À côté des méthodes ordinaires et des méthodes spécifiques auxquelles ils pouvaient déjà recourir, ils pourront, dès que la loi sera adoptée, utiliser les méthodes dites exceptionnelles. Écoute téléphonique, ouverture de colis postaux, inspection d'habitation, etc. Et cela lorsqu'ils enquêtent sur des dossiers d'extrémisme ou d'ingérence d'un État étranger. Autre nouveauté, la notion de fournisseur de services de télécommunications est élargie à des opérateurs comme Skype ou WhatsApp. Et puis, les sociétés privées actives dans le secteur du transport et des voyages, comme les sociétés d'autobus, de taxi ou les agences de voyage, devront pouvoir transmettre leurs informations à la Sûreté de l'État et aux renseignements militaires. Enfin, et c'est la dernière nouveauté, ces services de renseignement vont pouvoir créer des équipes d'intervention pour les fouilles, les saisies d'objets ou même pour arrêter des suspects le temps de les remettre à la police. En revanche, rien ne change quant aux moyens de contrôle auxquels sont soumis ces services de renseignement. Et puis il était 11h ce matin quand le gouvernement Michel a entamé son marathon budgétaire. D'ici la déclaration de politique générale, mardi au Parlement, il reste donc 3 jours au ministre pour ajuster le budget 2016 et boucler celui pour 2017. Pour cela, il faut trouver 4 milliards d'euros d'économies. De nombreuses pistes sont sur la table. Elles ont été évoquées ces derniers jours comme une augmentation de la TVA ou encore une modification, un lissage de l'index. Mais il faudra donc attendre mardi pour avoir les réponses. La pluie au printemps, la sécheresse à l'automne, l'année est rude pour les agriculteurs. La récolte de pommes de terre sera la plus mauvaise depuis une quinzaine d'années. Elle ne s'annonce pas beaucoup mieux pour les betteraves. La récolte bat son plein depuis une quinzaine de jours et pour un bon mois encore. Le constat est sans appel, le rendement est faible et la sécheresse rend l'arrachage plus difficile. Stéphanie Vendrec a rencontré sur son champ Francis Dupont, agriculteur à Morlanwé dans le Hainaut. Ici, on a quand même eu beaucoup de sécheresse et elles n'ont pas su se développer. Donc il manque, je ne sais pas, en pourcent de tonnage au rendement, il manque quoi, 30% au moins. Sur cette culture-ci, bon, on espère quand même, arriver au prix de revient de la betterave. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour les froments, moi je mets des potimarrons, on a absolument rien récolté cette année. Quoi. Voilà, donc cette année on sera déficitaire, c'est sûr et certain. C'est pas qu'on pleure, parce que je suis pas tempérament à pleurer, mais bon, cette année, j'ai quand même 40 ans de carrière et c'est la première année, c'est la plus mauvaise que j'ai jamais fait de ma vie. Quoi. Terminer comme ça, c'est quand même un peu triste. Quoi. On passe au sport avec tout d'abord cette affaire qui a fait beaucoup de bruit ces dernières heures. Raja Nainggolan, mis de côté hier pour le match Belgique-Bosnie à la suite d'une blessure, a quand même joué un match hier avec les espoirs de la Roma. Il s'en est expliqué aujourd'hui, Michael Menten. Ouais, Raja a tenu à mettre les choses au point aujourd'hui sur son compte Twitter. Le milieu de terrain romain explique qu'il a bel et bien joué vendredi avec la Roma, mais uniquement dans le cadre de sa revalidation. Pour lui, ce match d'entraînement contre des jeunes doit le remettre dans le parcours après sa blessure. Il n'est pas question, dit-il, de disputer une rencontre internationale. Le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a lui refusé d'alimenter une nouvelle polémique. Nous éclaircirons l'affaire dans les prochains jours, a-t-il déclaré. Les Diables, on le rappelle, ont largement remporté leur match d'hier, 4-0 face aux Bosniens. Le prochain match, c'est déjà ce lundi, avec un déplacement face à Gibraltar. Un match qui se jouera donc une nouvelle fois sans Raja Nainggolan. On revient à présent sur cette annonce du Comité international olympique. Le CIO demande à l'Agence mondiale antidopage de s'occuper de l'ensemble des tests antidopage. Oui, Franck, le Comité international olympique était réuni en sommet aujourd'hui à Lausanne, un sommet consacré à la réforme de la lutte antidopage. On sait le dossier très épineux. Et cet après-midi, le CIO a publié un communiqué dans lequel il souhaite qu'une nouvelle autorité gère seule l'ensemble des contrôles antidopage. En gros, d'euros, une énorme structure qui serait créée et supervisée par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Alors l'objectif ici est de rendre le système indépendant des organisations sportives. Par ailleurs, le CIO propose aussi de faire du TAS, le tribunal arbitral du sport, le seul habilité à prononcer les sanctions en cas d'infraction, charge qui revenait jusqu'à présent aux fédérations nationales et internationales. Précisons encore qu'il ne s'agit là que d'une feuille de route, de propositions, des propositions qui pourraient, cela dit, être entérinées lors de la prochaine réunion de la commission exécutive du CIO en décembre prochain. En Formule 1, c'est Nico Rosberg qui partira en pole position du Grand Prix du Japon. Le pilote Mercedes, leader du classement mondial, s'est montré le plus rapide tout à l'heure des qualifications devant son équipier, le Britannique Lewis Hamilton. Le Finlandais Kimi Raikkonen est troisième sur la grille de départ. En tennis, David Goffin disputera cette nuit la finale du tournoi de Tokyo. Le Belge affronte l'Australien Nick Kyrgios, numéro 15 mondial. En cas de succès, David Goffin grimperait à la 12e place mondiale. Et puis on termine cette page sportive avec l'Ironman d'Hawaï. Oui, qui démarre ce soir. C'est le plus mythique de tous les triathlons. Une épreuve de guerrier avec 3 800 km de natation, 180 km à vélo, puis un petit marathon, 42 195 km. Je viens de regarder la météo sur place. Franck, il fait environ 30 degrés au soleil. Il y aura des Belges sur place, dont une Belge, Alexandra Tondeur, 29 ans, qui sera la première Wallonne professionnelle à disputer cette course. J'étais évidemment assez impressionnée parce que bon, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses à la télé. Tout le monde rêve de faire l'Ironman d'Hawaï. Donc le fait de poser ses pieds, ne fût-ce que sur Big Island, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, il y a des triathlètes partout. Tout est fait pour pouvoir faire l'entraînement, pour être bien préparé. Les parcours sont ouverts. Donc je me sens assez bien dans mon élément. Une interview signée David Bertrand. On souhaite évidemment bonne chance à tous nos Belges. Les résultats, vous les aurez cette nuit chez nous vers 4h30, 5h du matin. Merci Michael. Cap 48, c'est parti. Depuis 2h maintenant, une équipe de courageux journalistes de la RTBF. Ils ont entamé une marche de 100 km qui les mènera de Marche en Famine, forcément à Liège. L'objectif est de récolter des dons pour l'association Les Héliotropes qui vient en aide aux handicapés mentaux. Mais il y a aussi les nombreux vendeurs qui vous sollicitent depuis plusieurs semaines déjà. Ainsi, Grégory Fobb a croisé Philippe Brundonck devant une grande surface de la région de Charleroi. Il dirige l'institution spécialisée Saint-Exupéry à Lerne, dans l'entité de Fontaine-l'Évêque. Avec un de ses résidents, Miguel, âgé de 10 ans, il proposait des post-it aux passants. Bonjour, opération Cap 48. Un petit post-it. Il y en a de 5 et il y en a de 10. Voilà, un des 10. Je crois qu'on a la possibilité, autant le faire. C'est pour aider un maximum. Si tout le monde pouvait faire la même chose, ce serait très bien. Tout simplement, aider. Cap 48, un petit post-it. Philippe Brundonck, vous êtes responsable des bénévoles Cap 48 pour la région qui va de Momigny jusqu'à Pontacel, donc c'est tout une sacrée zone. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, c'est une fameuse organisation. D'abord, il faut trouver dans chaque commune ou village un responsable local. On espère, sur la région de Charleroi, atteindre notre chiffre l'année dernière, qui est 119 000 euros. Quoi. 119 000 euros de vente de post-it. On n'a jamais fait ça. Merci, au revoir, monsieur. Au plaisir. Merci. Merci. Voilà, merci donc de leur réserver un bon accueil et demain soir, bien sûr, la grande soirée de clôture sur la Une télé. Pierre Tchernia est mort la nuit dernière près de Paris, il avait 88 ans. Pierre Tchernia, un homme de télé et de cinéma, il a réalisé plusieurs films et a longtemps couvert l'actualité du cinéma en France dans les années 70 et 80. Et puis à la télé, on se souviendra du Francophonissime ou plus récemment des Enfants de la télé. Magique Tchernia, comme on le surnommait, a aussi participé aux premiers journaux télévisés français dès 1949. Il a aussi travaillé à la RTBF. Il fut le présentateur de Zigo Maticorama avant d'être remplacé par Bernard Faure, qui, ironie de l'histoire, nous a quittés il y a quelques jours à peine. Encore RTBF Mobile Info avec Amandine Aymar et un accident dans l'échangeur de Dossou. Et oui, cet accident qui s'est produit dans l'échangeur de Dossou au kilomètre 49.2, la bande de droite est encombrée dans la bretelle reliant le 411 venant de Bruxelles à le 42 en direction de Liège. Un véhicule se trouve dans le rail de sécurité. Quelques ralentissements à vous signaler sur le 19 Valenciennes-Bruxelles à hauteur de la sortie numéro 24 Mons dans les deux directions. Les bretelles sont saturées et il y aurait des remontées de fil sur l'autoroute. Prudence donc si vous passez par là. Vous ralentissez aussi sur le ring de Bruxelles. En circulation extérieure, comptez 5 minutes en plus entre Strombeek et Jette vers Grand Bigard. En circulation intérieure, 5 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et Zelic vers Zaventem. Et vous perdez une quinzaine de minutes suite à des travaux à hauteur d'Oilart vers Waterloo. Enfin, dans Bruxelles, ça coince du tunnel Rogier au tunnel Trône vers le midi. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, grandeur nature, on retrouve Adrien Jovenot. Jusqu'à 18h, grandeur nature est en Italie. Nous sommes dans les Pouilles, précisément en musique, évidemment. Dans quelques instants, Ricky et Poveri, vous aurez aussi Mattia Bazar, Laura Pausini, Albano et Romina Power. Quelques vieux souvenirs aussi, comme Domenico Modugno. Et tout de suite, Gianna Nannini. Où est la plus grande foire au vin de Belgique? Chez Cora! Je vois que tout le monde est d'accord avec moi. La foire au vin, c'est chez Cora. Ou sur corawine.be. L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Ça fait du bien, toutes ces chansons italiennes sur Vivacité, jusqu'à 18h avec les reportages de Loïc Péchard et puis nos invités, Lorenzo. En fait, je vous appelle toujours Lorenzo parce que à la radio, c'est comme ça, c'est surtout les prénoms. Mais votre patronyme, Lorenzo, de Radio Italia, Ponzo, mon nom de famille, hein, oui. Ponzo, Lorenzo Ponzo, voilà. sur Vivacité. Attention, parce que vous êtes chez nous. Hein. Oui, c'est le reflet, excusez-moi. Et parfois, j'ajoute derrière. C'est une radio pour la communauté italienne, on peut en parler parce que vous faites aussi un peu un rôle de service public, information à la communauté italienne, installée à Liège. Vous avez quelle tranche la matinée ? Et moi, j'ai surtout la... Oui, je fais la matinée et deux fois par semaine, je fais quand même le 19-20 aussi. On peut me retrouver sur le 106.7 aussi entre 19 et 20 heures. D'accord, vous faites un petit peu votre promo, donc c'est bien. Oui, vous oui. êtes à la fois le Philippe Genioux parce que vous faites le soir, l'heure du tip-top chez nous, et puis le Benjamin Maréchal puisque vous faites la 39-11. C'est vous qui le dites, Lorenzo, sur Vivacité. Gianna Nannini, c'est une chanson sur les mecs, ça, I Maschi. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une chanson sur les mecs, tandis qu'elle n'aime pas trop les mecs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est une chanson un peu en contresens. Mais Nannini, il faut savoir, Adrien, que Gianna Nannini, elle a un frère qui a été célèbre. Il a couru en F1, c'est Alessandro Nannini. Donc voilà, sa carrière s'est arrêtée brusquement parce qu'il y a eu un accident d'hélicoptère, mais elle n'est pas toute seule dans la famille à avoir du talent. Oui, c'est sûr que en Italie, c'est le pays aussi de la Ferrari, le Grand Prix de Monza, on aime bien les belles voitures. On ne va pas trop parler des Ferrari parce que pour le moment, ça ne se passe pas très bien. On espère que ce week-end, ils vont un peu remonter la pente. D'accord, nous sommes en Italie avec Loïc Péchard. Loïc, vous êtes allé passer une petite semaine là-bas en voyage de presse et vous êtes revenu ébloui, des étoiles plein les yeux. C'était fantastique. En fait, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est ça qui est vraiment bien. Ce n'est pas comme à Barcelone où on est envahi de touristes. Là, c'est vraiment... On a la mer, les montagnes et dans les montagnes, il y a vraiment ce côté typique où on retrouve vraiment les gens, j'ai l'impression les gens vrais comme ça. C'est vraiment très agréable avec des petites maisonnettes. C'est très sympa. Cette atmosphère mer-montagne sera décrite dans votre prochain reportage que nous écouterons juste après Ricky et Poveri. Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola, si sa. Perché ti amo, c'est tiré d'un film avec Charlotte Gainsbourg, L'effronté, c'était aussi le tube de Ricky et Poveri en 1980. 81. Nous sommes en Italie, dans les Pouilles, cet après-midi. On va plonger tout de suite dans l'atmosphère très particulière de cette région grâce au reportage de Loïc Péchard. Dans notre territoire, il y a la mer et aussi la montagne. Sur la montagne, on peut dire qu'il y a des petites villes où on peut vivre une expérience très rurale. Rurale parce qu'on retrouve les travaux anciens. Allora qua è festa grande, è festa grande allora. Certo signora. Ce sont des chansons que fais moi. Félicita. Les chansons des autres, non, les chansons des autres, non, non. C'est une chanson que j'ai composée, Monsieur Joseph, quoi, hein. Allez. Sotto questa finestra, in questa notte ti avevo respiro. Ma se non mi sento per questa voce più forte a volere, sento queste parole che lo cuore più forte di me vola, che questa notte io te dice a te. Questa è la serenata che Galuccio porta a te. Oh, oh, ça va o ça va pas? Ça va, merci! Ciao a tutti! Au contraire, dans la mer, il est un rêve peut-être, parce que quand tu plonges dans la mer et tu sors, tu peux voir toutes les montagnes autour. Et donc, je pense que c'est une expérience incroyable à vivre et aussi à raconter. Beaucoup de choses à dire, à raconter, à voir aussi. Le sujet est en ligne sur vivacité.be si vous voulez voir les images de ce reportage réalisé là-bas. Grandeur nature. Dans quelques instants, juste après Mattia Bazar, nous reparlerons de l'Italie avec nos invités Lorenzo de Radio Italia et Stefania Betti de la Chambre de commerce belgo-italienne. Philips existe depuis 125 ans et chez Light Gallery, ça se fête. À cette occasion, Light Gallery vous offre une remise de 25% sur tous les luminaires et sur toutes les ampoules Philips. Rendez-vous dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. 3, 4. Pommes de rainette et pommes d'api. Tapis, tapis rouge. Pommes de rainette et pommes d'api, tapi, tapi, lif. Croquantes, juteuses, colorées, sucrées, acidulées, nature ou préparées, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif. Cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Mattia Bazar sur Vivacité. Lorenzo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce groupe italien? Oh ben, c'est un groupe qui au départ avait une voix extraordinaire. La chanteuse, maintenant son nom m'échappe, Antonella Ruggeri. C'est elle qui était au départ la chanteuse du groupe, qui a eu son succès au fin des années 70. Et au fait, ils ont toujours perdu la voix de femme, ils ont toujours retrouvé une. On peut dire que bon voilà, ils ont continué, ils ont traversé au moins deux générations. Un peu comme Overphonic, le groupe reste et la voix de la chanteuse évolue et change. C'était Ticento évidemment. Allez, on va parler des Trulli peut-être maintenant avec vous, Stefania Betti. C'est un autre bijou des Pouilles. Oui, en fait, un peu partout dans la Pouille, on peut trouver les Trulli qui sont en fait des petites maisons de forme circulaire avec un toit de paille. Et en fait, les maisons sont faites des pierres. Ils sont des pierres et il faut savoir qu'il n'y a pas de cons là. Il y a pas, ils sont des pierres posées l'une sur l'autre. Et alors, en fait, justement, hier soir, ma coloc qui vient de la commune d'Alberobello dans les Pouilles, venait de me raconter une histoire sur les Trulli. On ne sait pas si c'est l'histoire officielle, mais disons que pendant les royaumes des Borbones, dans la région des Pouilles, les rois, les Borbones, avaient décidé de faire payer des taxes sur l'effet de posséder une maison. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait les gens des Pouilles? Ils ont bâti ces petites maisons. Et alors, quand ils savaient que la police allait venir pour en fait, faire payer les taxes, il fallait enlever une pierre pour faire si que la maison s'est détruite. Et donc, voilà, ils ne pouvaient pas payer les taxes parce qu'évidemment, il n'y avait pas de maison. Oui. C'est pas mal. Belle anecdote, belle inventivité aussi. Dans quelques instants, nous allons parler de la nourriture parce que l'Italie, c'est aussi le pays du bien boire et du bien manger. Ce sera juste après la chanson de la délicieuse Laura Pausi. Senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Gli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita. La solitudine, c'était Laura Pausini sur Vivacité. Il y a beaucoup d'ambiance ici en studio, même pendant les chansons. Est-ce que vous avez un scoop, Lorenzo, sur Laura Pausini? Oui, bon, les fans, ils savent qu'elle sera le 16 à Orchestre à Forêt. Dimanche prochain, oui. Ben, peut-être ceux qui ne savent pas, c'est que le 4 novembre, elle sort, elle publie son premier album sur les chansons de Noël. Laura Pausini chante Noël. C'est... Oui, ben, on approche, hein, on approche. Oui, oui. Là, c'est Cap 48 qu'on prépare. Hein. Je rappelle que demain, ce sera la grande soirée de clôture à Mediarive sur Vivacité. On sera en direct, évidemment, et puis sur la Une télé. On va parler nourriture et s'intéresser tout de suite aux bonnes spécialités du sud de l'Italie. Et c'est quoi la spécialité alors des Pouilles au niveau de la nourriture? L'huile d'olive et tous les produits AOP comme le pain, les tomates. Et donc, nous avons déjà parlé des olives. Et je pense que aussi la pasta est très bonne ici. Les foires aujourd'hui sont surtout alimentaires parce que la cuisine représente une attraction plus importante pour les touristes et aussi pour les paysans. Et pour le fromage, nous avons le caciocavallo. Et que je vous invite à goûter. Il est plus dur et il a la forme du numéro 8. Et il est préparé dans des périodes particulières de l'année, je pense en hiver. Et puis il doit reposer pour de différentes années. Dans notre zone, ici à Manfredonia, dans le Gargano, pour gâteau, nous proposons toujours la cassata di Tommasino. C'est un gâteau de gelato. La glace, c'est une glace. Tommasino est l'entreprise qui le produit. Et la cassata provient d'une recette qui n'est pas de notre région, mais de la Sicilia. La cassata est une recette traditionnelle de la Sicile. Et donc, c'est une glace un peu plus dure qui est vendue dans des différentes portions. Et donc, il est très bon. En effet, il y a aussi, on raconte toujours notable que la cassata di Tommasino a été prouvée aussi par la regina Elisabetta. Nous disons que la cassata est arrivée aussi in Angleterre. Et ce n'est pas un mensonge. Parce qu'on l'exporte beaucoup dans l'autre région de l'Italie et aussi de l'Europe. Et c'est vrai qu'on retrouve la cuisine et la gastronomie italienne dans toutes les régions du monde. Hein. Dans quelques instants, nous en parlerons avec Stefania Betti. Après la pub, à tout de suite. Le plus impatient des réseaux présents... Ah, attends, quoi. En fait, il y a une autre pub d'abord. Ah. Non mais tu l'entends l'autre là? Il fait que rigoler. Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Fabia à partir de 8 750 €, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Le plus impatient des réseaux présente... Ah, attends encore. Sois pas si impatient, t'as dit. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Le plus impatient... Attends, quoi? Bon. Le plus impatient... Allez, vas-y. Ah, ok. Le plus impatient des réseaux présente un Huawei P9 Lite pour seulement 9 € avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Proximus, infiniment proche. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute? Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Hotsleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. Pluie. Je résiste. Chaleur. Je résiste. Vent. Je résiste. Neige. Je résiste. Envahisseur. Je résiste. Eh bien, mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo. Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout, rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'appui, Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità e restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità, il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità. Felicità, è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. Quanto mi piaci la felicità, felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Accesa la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità, di aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità, felicità. C'était Albano et Romina Power, une chanson sur le bonheur, hein. Felicita, le bonheur est aussi à table. Je me suis laissé dire, Lorenzo, que l'Italie a détrôné l'Espagne, que le meilleur restaurant au monde serait dans votre pays. Oui, c'est à Modena. Le chef, c'est Bottura, je pense qu'il s'appelle Bottura, et c'est lui qui a décroché la palme du meilleur restaurant dans le monde. buon appetito. Grazie. Vous apprêtez à passer à table. Albano est pouillaise, hein, pour dire qu'Albano, qu'on vient d'entendre, il est de Pouille. Ah, c'est ben un voilà. Pouillaise, il est du pays, quoi. Il est toujours avec Romina Power, ou bien c'est plutôt un peu comme Sheila et Ringo, ils sont un peu discutés. Ils se sont un peu remis ensemble, ils maintenant. Ils oui, se oui. remettent, ils se... voilà, ok. Parlons un peu de votre métier, Stefania Betti. Vous travaillez pour la promotion de l'Italie à la Chambre de commerce belgo-italienne. Il y a beaucoup d'affaires entre la Belgique et l'Italie, hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, ce que je fais, je m'occupe de la promotion des produits des producteurs italiens qui viennent en Belgique ou qui veulent exporter leurs produits typiques des régions d'Italie, ici en Belgique. Et en fait, je s'occupe beaucoup de la nourriture, du vin, on fait des salons, on organise des rencontres B2B. Et je fais un peu ça, mais aussi il y a ton côté tourisme et des relations, en fait. Mmh, entre nos deux pays, qui sont des pays amis, hein, depuis oui. Cet accord, l'accord charbon, on le rappelle, on a fêté au mois de juin l'anniversaire, Lorenzo. 23 juin, c'est l'accord a été signé le 23 juin 1946. Et on a publié 4 photos des migrations italiennes sur notre Facebook Radio Italia. Et ça a été le record de clics. Plus de 76 000 clics en quelques jours. Ça m'a étonné, plus que des chanteurs de vedettes. C'est ces photos-là qui montrent comme les Italiens dans le monde et les Italiens de Belgique sont particulièrement attentifs à leur venue, au départ, qui s'est fait avec le sacrifice de les mines. Oui, il y a 70 ans. Hein. 70 ans. Quasiment jour pour jour. C'était au mois de juin 2016, cet anniversaire dont on a beaucoup parlé sur la RTBF et sur Vivacité en particulier. Volare, ta ta ta ta. C'était l'Expo 58, mais c'est un tube italien aussi de Domenico Modugno sur Viva. C'était Domenico Modugno sur Vivacité avec les plus grands succès italiens depuis 16h. Moi, j'ai passé une super après-midi. Nos auditeurs aussi, grâce à vous, Lorenzo, Stefania, Loïc. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on parle de l'Italie, ça réagit. C'est dingue, hein, la connexion qu'il y a entre notre pays et votre pays, Lorenzo. Oui, cet amour entre la Belgique et l'Italie dans le commerce, dans la culture, dans les échanges qui continuent depuis beaucoup de temps. Il y a une entente extraordinaire. Et c'est ça qui fait avancer les choses, je crois. Sur Modugno, il est de Polignano a Mare. C'est de Les Pouilles. C'est, okay, quand même, encore. C'est la star, vraiment. Ça a été la star des chanteurs italien qui est né dans Les Pouilles. Et je remercie notre programmateur musical pour sur mesure la programmation aujourd'hui, Jean-Michel Verhelst. Grazie mille. Merci aussi à notre sorcier du son Bernard Blave, Stefania Betti. On va terminer avec les femmes, hein, c'est normal. Stefania Betti, est-ce que vous avez des rendez-vous à donner à nos auditeurs? Nous sommes début octobre, nous sommes le 7, encore 2-3 mois ici en 2016. Il y a des événements à pointer? Mais en fait, oui, je vous donne rendez-vous virtuel sur notre réseau social, sur les Facebook de la Chambre des Commerces, pour rester informé sur toutes nos activités. Mais surtout, je vous donne rendez-vous au salon Megavino qui revient à Bruxelles du 21 au 24 octobre, où en fait la Chambre des Commerces avec les producteurs d'Italie seront présentes avec des stands en fait dédiés au vin et à les spécialités d'Italie. Et donc, arrivederci, à presto. Arrivederci, à la prossima. Et je remercie Lorenzo qui arrive en studio, hop là, avec une bouteille de vin. Je ne vais pas ouvrir la bouteille, mais au moins déjà l'emballage. Ouh là là, dis donc, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous nous offrez là, Lorenzo? C'est un vin de Puglia, un salice... Salentino. Salentino, dans le Salento. C'est un des meilleurs rouges qu'on peut faire dans les Pouilles. Et c'est aussi cette façon d'être italien. On aime bien devenir avec quelque chose, avec un piccolo regalo. Alors, okay. C'est pour vous. Moi, je vous ai amené des tiramisu. C'est fabrication belge, hein, mais j'ai quand même du vrai mascarpone de chez vous. Hein. J'adore oui, le tiramisu. Ok. Et volevo salutare anche gli amici italiani che ci hanno ascoltato. Sì, grazie, merci beaucoup. Ciao Adrien. Pour le soleil, à bientôt à Radio Italia alors. Oui, oui, ben, retrouvez-nous en province de Liège, Radio Italia, avec H, hein, Radio Italia, avec H. Parce que vous passez beaucoup de hits. Oui. Comme ouais. Vivacité, en fait. Certo. Okay. Mais j'adore Vivacité. Vous écoutez Bravi. Vivacité d'ailleurs. Ah, si, si, oui. Si, ah, si. Ça c'est bien, ça nous fait plaisir. Et moi, quand je suis sur Liège, parfois je vais faire un petit tour chez vous. Merci beaucoup Loïc Péchard pour ces reportages réalisés. Je crois avec beaucoup de plaisir dans les Pouilles. Avec beaucoup de plaisir. Et puis j'ai aussi une petite anecdote. D'habitude, je n'aime pas du tout le melon, mais vraiment pas du tout. Et là, dans les Pouilles, j'en ai mangé tous les jours. C'est tellement bon, même on en a parlé avec Stéphania. Elle aussi, il y avait une amie qui n'aimait pas du tout ça. Et finalement... Ah oui, c'est vrai, parce que Loïc, comme tu disais, en fait, dans les Pouilles... Il y a une particulière type de melon qui, en fait, c'est pas orange, voilà, la couleur, je veux dire, mais c'est plutôt blanc ou jaune. Et alors, en fait, j'avais une amie qui venait de là quand j'étais encore étudiante à l'université. Et alors, cette amie à moi, elle est venue et elle a découvert à 22 ans, pour la première fois, les melons orange, en fait. Et c'est dingue, moi qui rentre de Cavaillon, où j'étais la semaine dernière pour l'échappée belge dans le Luberon, j'ai l'impression que les melons italiens sont aussi bons qu'à Cavaillon. Allez, dans quelques instants sur Viva, le journal de 18h, et puis Vivacité en concert avec Bruno Tumers. Passez toutes et tous un excellent week-end. La semaine prochaine, nous mettrons le cap sur Bali. J'ai pas dit Bari dans les Pouilles, mais Bali en Indonésie, avec Guillaume Moulard. Bye bye, bon week-end. Merci les amis. Ciao, ciao amici. C'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Votre piscine placée en 4 jours avec 21% de TVA offerte, optez pour Leisure Pool. Avec Leisure Pool, nagez dans la qualité et le style. Chez Servimat, dans le zoning d'Épigny ou sur leisure-pools.be. Servimat, un service qui épate. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi, de 8 à 9, pour bien démarrer la journée, sur Vivacité et sur la Une. Électro, dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Électro, dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? Nos actions internes écologiques et nos camions toujours remplis entraînent des économies. Découvrez comment vous en profitez sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro Eddy Merckx. Electro Dépôt. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet ? Un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Au bonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Mais oui, venez découvrir les nouvelles Baleno et S-Cross. Et puis vous essayerez la nouvelle Vitara. Vous pourrez même repartir avec elle dans votre cartable pour 14 799 euros seulement, soit 4000 euros davantage. Info suzuki.be. C'est la rentrée aussi chez Suzuki. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Bonjour monsieur, dites, excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Vous écoutez Vivacité 18h. Pierre Tchernia, Pierre Magic Tchernia, la France perd un monument, il avait 88 ans dont 60 passés dans votre poste de télévision. Un supermarché où les clients ne sont pas que des clients, ils sont aussi coopérateurs, ils s'impliquent dans l'organisation et ne feront pas de bénéfices. Le magasin a ouvert à Marché-Nopon près de Charleroi. Aller plus loin dans la lutte antidopage et créer une unité indépendante qui s'occuperait elle-même des contrôles, c'est ce que réclame le Comité international olympique. L'avis de Jacques Borlée, il estime que cela va dans le bon sens parce que les fédérations sont complices, ajoute-t-il, vous l'entendrez. Le journal Delphine Vreux, bonsoir. Bonsoir, un papa de la télé, un monsieur cinéma pour les plus âgés. Pierre Tchernia est mort, il avait 88 ans. Sur les plateaux des enfants de la télé, Arthur le rebaptise Pierre Magic Tchernia. C'était un touche-à-tout, une boîte à souvenirs humaine. Lola Fourmi nous résume une très longue carrière. Pierre Tchernia, c'était cet animateur télé aux grands yeux et à l'air sympathique que les plus jeunes connaissaient comme Pierre Magic Tchernia. C'est comme ça que l'appelait Arthur dans Les Enfants de la télé, où Tchernia était chroniqueur. Magic, en référence au Magic Ciné, la salle qu'il fréquentait depuis tout petit à Levallois-Perret, où il a grandi. Et d'ailleurs, pour beaucoup, Pierre Tchernia restera Monsieur Cinéma, du nom de l'émission qu'il animait les dimanches après-midi sur l'ORTF, puis sur Antenne 2 jusqu'aux années 80. Notre invité aujourd'hui est un homme que je suis heureux de voir ici, car je sais qu'il n'aime pas venir à la télévision. C'est Jean Gabin. C'est la première fois que je viens. Pierre Tchernia, le Parisien, fils d'un Ukrainien qui fuyait la misère et d'une couturière, a aussi participé à la création du premier journal télé en 1949. Il a aussi présenté les Césars et il était surtout cette voix, celle du narrateur.